On était parti dans le sud, on traquait la fortune en cherchant désespérément de quoi me faire un peu d'argent. Ce n'était pas toujours facile, la bière et le tabac nous coûtant chaque fois nos deux bras. Merci mon petit Lidl de jeter tout et n'importe quoi. Nous on s'en donne à cœur joie. On était sur la route, les pauvres qu'on en fera de la soupe. Mec, ne colle pas au cul, mon fort marche comme une mule. Si tu me casses les couilles, je te ferai des chatouilles. Parti chercher un peu de chaleur, on n'est pas là en tant que branleur. On nous a dit qu'il ferait bon, mais des fois on caille comme des cons. On était toujours au plein air, à respirer le grand air, des clubs reniflant se servant de leur père. On en a bouffé des kilomètres, on en a vu des gens pas nets, entraînant dans les guinguettes. On était sur la route, des pauvres qu'on en fera de la soupe. Mec, me colle pas au cul, mon fort marche comme une mule. Si tu me casses les couilles, je te ferai des chatouilles sur la route. Sur la route. Il faut qu'on en fera de la soupe.